Donc quelques mots peut-être d'introduction là sur le rassemblement de ce matin, hein, pour rappeler ce qui s'est passé hier à la manifestation. Mais d'abord pour commencer, peut-être qu'on va demander tous ensemble aux policiers, aux civils, des renseignements généraux qui sont sur le trottoir de bien vouloir reculer de 50 mètres. Parce que vos comportements de la police hier, vous n'êtes pas les bienvenus et on vous le dit clairement. Allez, il y a un trottoir en face, il y a de la place. De toute façon, vous lirez, ça sera dans Paris-Normandie, 76 Actu, France 3, vous aurez les infos, mais vous n'êtes pas les bienvenus. Donc voilà, on va donner un peu les informations. Voilà, depuis le 5 décembre, on a fait, je ne sais plus, je n'ai pas compté un certain nombre de manifestations. Évidemment, les très grosses, 5, 10, 17, et hier, des manifestations plus petites. Il y a eu des opérations de filtrantes, notamment au rond-point des Vaches, au rond-point du carrefour de la prison. Il y a eu, voilà, on ne cache pas, il y a eu des blocages dans les zones industrielles, des blocages du dépôt de la TCR, du dépôt de la TCR de bus, mais aussi du dépôt tramway. Hein, pour nous, ça fait partie des outils de la lutte quand on a un gouvernement qui est sourd aux revendications des travailleurs et qui est sourd au soutien très majoritaire de la population. Et jusqu'à maintenant, on va dire qu'on avait un comportement de la police, on ne va pas dire qu'il était bien, il ne faudrait pas déconner, hein, mais qui était, voilà, qui nous empêchait pas de manifester et de faire notre boulot de gréviste, notre boulot de citoyen, notre boulot de syndicaliste. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, on était 30 000 dans les rues de Rouen. La préfecture était très mécontente du fait que l'intersyndicale a imposé un parcours qui passait dans la rue Jeanne d'Arc. La préfecture a fait des pressions sur l'ensemble des organisations syndicales CGT, Force ouvrière, FSU, Solidaire, pour qu'on change le parcours de cette manifestation. Et on considère, hein, comme on le dit dans les manifs, que la rue, elle est à qui? La rue, elle est à qui? Elle est à nous! Et que la rue Jeanne d'Arc, elle est à qui? Elle est à nous! Il n'y a pas de raison qu'il y ait des rues interdites dans Rouen, que ça soit en semaine, que ça soit le samedi. La Constitution a prévu une liberté de manifester. Et donc, aujourd'hui, on est des organisations responsables. On est dans une intersyndicale qui désormais intègre, et on en est très fiers à Rouen, nos camarades des Gilets jaunes. On organise les manifestations ensemble, en responsabilité, et ce qui s'est passé hier, c'est insupportable. Alors pour rentrer dans le détail, c'est clair, on était un certain nombre malheureusement directement dans ce qu'on pourrait appeler le point d'impact, et au niveau donc du cortège de Gilets jaunes, on avait quatre camarades, hein, et ils ont raison, ça fait partie de nos modes d'action. On diffuse des tracts, on colle des affiches dans la ville, on met des autocollants sur tous les poteaux. D'ailleurs, il en reste dans la voiture après pour faire peut-être une petite déco. Hein, ça serait, je trouve, pas mal de faire une petite déco sur l'arrêt de bus. Et donc, voilà, dans les modes d'expression, et oui, il y a des tags. Voilà, donc on avait deux camarades avec deux soutiens qui faisaient des tags dans la rue Jeanne d'Arc. Et la police, c'est clair, a pris ça comme prétexte pour intervenir sur décision du commissaire à la sécurité publique, d'intervenir violemment en traversant la manif, en interpellant un des camarades, et ensuite, plutôt que de calmer les choses, en essayant de faire exploser la manif, utilisant à plusieurs reprises gaz lacrymogène, et comme vous avez pu le voir dans les vidéos, parce que voilà, hein, tout ça, c'est pas la CGT, c'est pas l'intersyndicale qui vous le dit, c'est sur tout Facebook, c'est sur tous les réseaux sociaux, hein, vous avez vu les vidéos, et avec des centaines de coups de matraque, sans aucun sens, et au moins deux blessés graves, avec notamment des points de suture. Voilà, cette situation, elle est intolérable. Bien évidemment, ça s'explique, c'est pas un hasard. C'est quand on a un gouvernement faible, il leur reste quoi? Ils n'ont pas le soutien de la population. Leur camp, y compris dans la bourgeoisie, est divisé. Vous avez vu hein, les députés, y compris de la majorité République en marche, qui se divisent. Voilà, la division, elle est partout. Il leur reste quoi? La police, la justice et l'armée. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'est que hier soir, partout, on voit des images à Rouen et ailleurs de manifs qui dégénèrent. Et justement, les organisations syndicales, avec les citoyens, avec les gilets jaunes, on n'a pas répondu à la provocation. On a refusé de jouer au chat et à la souris dans la rue du Gros-Horloge. Et on a amené la manifestation jusqu'à la fin, jusqu'à la capitainerie. Là encore, on a refusé les provocations. On a tenu les assemblées générales. On a tenu la réunion de l'intersyndicale pour préparer les AG de ce matin, les actions. Et ce midi, on sera de nouveau à la gare de Oissel. Cet après-midi, à Tourville. Ce soir, à 18h, au 106, pour les vœux de la métropole. Demain à 14h30, de nouveau en manifestation à l'hôtel de ville. Lundi à 6h, au niveau du rectorat, rue de Fontenelle. On sera là lundi, mardi et tous les jours qui suivent jusqu'au retrait du projet. Ouais. Pour ce qui concerne Vianney, des informations qu'on a, il est quelque part dans un des bureaux. Ici, donc là vous avez au rez-de-chaussée la plupart des bureaux des substituts du procureur de la République. Donc il a passé pour un tag la nuit en garde à vue. C'est un vrai scandale. Parce qu'il faut le dire, nous on connaît des délinquants. Vous l'avez vu hier, c'est dans la presse. Désormais, oui, il y a Carlos Ghosn. Oui, il y a les patrons de Lubrizol et de Normandie Logistique qui n'ont jamais été interpellés et mis en garde à vue. Oui, il y a le patron de Kimberly Clark à Sotteville qui a fait travailler des salariés sur des machines extrêmement dangereuses. Et aujourd'hui, on a un collègue qui est aussi un camarade de la CGT entre la vie et la mort. Et le patron de Kimberly Clark, il est tranquillement au siège de l'entreprise, jamais arrêté et jamais mis en garde à vue. Donc voilà, cette justice de classe, elle est là. La mobilisation d'hier après-midi avec la manifestation jusqu'à la préfecture, le rassemblement à Brézoux-Barbeville et la manifestation au palais de justice s'apaise, puisque là, a priori, notre camarade ne sera pas poursuivi. Il devrait, et je le mets au conditionnel, puisqu'il devrait sortir d'ici midi, il devrait avoir un rappel à la loi sans aucune poursuite. Ça montre que quand on assure le service après-vente, quand on assure le soutien à nos camarades qui sont interpellés, convoqués par les forces de l'ordre, comme l'est notre camarade de la CGT Énergie lundi dans la Manche, ça montre effectivement qu'on pèse sur cette justice de classe. Alors voilà, je propose de prendre la parole, de faire aussi le point sur les différentes initiatives de ce matin, et surtout de crier « Libérez notre camarade !» Libérez